Lee Yong-sun, président de la Fédération internationale de Taekwondo et président du Comité des compétitions internationales des arts martiaux, est arrivé le 14 à Pyongyang par avion pour participer au 20e championnat du monde de Taekwondo.